Se réveille et que la vie est telle que personne ne nous aide. Il aura fallu des têtes coupées, de surcroît pour qu'abolisse la paix. J'aurais dû m'effacer pour ne pas contaminer les selles. Et si les amours s'estompent et que son règne s'achève, alors il est temps de creuser ma tombe. Enfermer la sève, n'y aura-t-il plus jamais tous ces goûts affinés? Et si l'amour, si l'on ne savait plus comment faire pour aimer, comment faire pour aimer n'importe où sur terre? L'haine revenait. Alors le sens de la vie est tel que l'on est fait pour tuer. Pourquoi se distraire quand on est éphémère? Pourquoi rester sous ses lois qui ne font que nous perdre? Ils n'auraient jamais dû exister, et pourtant d'heure à jamais, aimer plus que soi ce qu'on aime. N'y aura-t-il plus jamais tous ces goûts affinés? Et si l'on ne savait plus comment faire pour aimer, et que n'importe où sur terre la haine revenait, alors le sens de la vie est tel que l'on est fait pour tuer. Et que sous nos yeux les traits se révèlent, et que la vie est telle que personne ne nous aide. Un dernier mot pour dire, autant le faire, ou du moins essayer, et que nos cœurs s'éveillent, ou ne meurent à jamais. Thank you. Ha ha ha ha ha ha ha!